Avant de détailler qalilan ces shurut, Cheikh Najmi rahimahullah, ici deux points importants par rapport à la ilaha illallah. Al-ma'na, le sens, wa al-arkan. Al-kalima, elle est fondée sur deux piliers. Et ça, kadhalik, c'est muhim, et vous verrez que c'est lié avec le dars précédent. Qala ma'naha la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est ça, ma'na la ilaha illallah. Cette kalima que chaque musulman doit prononcer, laha ma'na. Une ma'na azim. C'est pas une simple parole qu'on prononce sans comprendre. Là, elle a un sens. On verra kadhalik, bi'idnillahi azza wa jalla, anna hadhihi al-kalima la dinawaqid. Il y a des choses qui l'annulent, des annulatifs. Cette kalima a un fadl azim. Cette kalima est fondée sur des piliers. Kadhalik, cette kalima, kathirun min ahli al-batil fassaruha bima'na batil. Beaucoup de d'égarés, ils ont expliqué cette kalima avec une mauvaise explication. Et ils se sont égarés, ils ont égaré. Fama'naha al-sahih, qui est fondée sur les textes du Coran et de la Sunna, ma dhakarahu huna rahmatullah alayhi. La ma'bouda bihaq. وبعض العلماء يقولون لا معبود حق إلا الله أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار. كلام عظيم. L'essentiel, le but, c'est pas que de la prononcer. Pourquoi ? لِأَنَّ الْمُنَافِقِ il la prononce. كذلك. On citera la نستعجل. Il a cité الأدلة الشيخ نجمي وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ. On citera هذا. نحن الآن c'est un bref aperçu avant de rentrer dans le موضوع. فالمنافق à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il disait لا إله إلا الله محمد رسول الله. Il témoignait بهذا. لكن ما نفعته. Pourquoi lui a pas été utile? Il y a un problème là. Ça te montre, ce n'est pas tous ceux qui disent La ilaha illallah, innahum yantafi'un bi hadhihi al-kalima. Qu'est-ce qui s'est passé? Indak? Na'am, kadhalik, par rapport à la kalima elle-même. Et par rapport au fait qu'il disait La ilaha illallah, l'imad n'a pas été accepté. Et cette parole elle-même. C'est des munafiqoun, et ils ont fait apparaître l'islam avec cette shahada. Et c'est des kuffars en réalité, c'est pour ça qu'on l'appelle hypocrite, munafiq. Et d'autres, ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas prononcé cette kalima. L'anna al-munafiq, il l'a dit, il a un but précis. Il n'est pas sadiq. Son but, c'est pas satisfaire Allah Azza wa Jalla. Son but, c'est pas se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Son but, c'est pas Al-Jannah, là. Il l'a dit pour des choses de dunya. Pour préserver son sang, pour ne pas se faire combattre, pour vivre avec les muslimines, il a akhir. Quand les muslimines, ils ont eu la qawwa, une dawla, fal munafiqoun kharaj. Mais ma'adha li annahum, ils ont eu peur des muslimines, ils ont fait apparaître l'islam. Donc il lui a manqué ma'adha dans son kalam, la ilaha illallah, indak. Répète. Qu'est-ce qui lui a manqué dans la ilaha illallah? Pourquoi elle n'a pas été acceptée? Non, il n'était pas sincère, il n'était pas sadiq, il n'était pas véridique. Il l'a dit hakada. Il ne l'a pas dit pour Allah Azza wa Jalla, il l'a dit pour quelques bienfaits de dunya. Iyadun billah. Qala Cheikh al-Islam, walakin al-murad qawluha ma'a ma'rifatiha bil-qalb wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughd man khalafaha. Kalamun jamil. Anna cette kalima elle sera utile pour le mu'min awalan s'il connaît le sens. Ils disent la ilaha illallah, ils ne connaissent pas le sens à cause de ce jeûne. Ils adorent des tombes, ils égorgent pour des morts, ils vont voir des sorciers, ils insultent Allah. Mais un homme, ils disent la ilaha illallah. L'obstacle entre eux et le fait de profiter de cette kalima, c'est le jeûne. Et Obama, ils la contredisent. Iyadun billah. Qala, wa mahabbat ahliha. Kadhalik, celui qui dit la ilaha illallah, s'il connaît le sens, il va aimer ceux qui la disent. Les annahum, c'est des frères. Innama la mu'minuna ikhwa. قال وبغض من خالفها. Celui qui connaît le ma'na et qui connaît ces shurut qu'on va citer, automatiquement il détestera ceux qui la khalaf. لماذا لأن il aime pour Allah, il déteste pour Allah. مثلاً un kafir qui dit pas cette kalima, il va le détester. لماذا لأن il sait que cette kalima c'est asluddin comme on a vu dans le dars précédent. C'est ça la ilaha illallah. Hubbun wa bughd, wala wa bara. Bien sûr, ilm wa amal. Amma mujarrad qawlaha. Et robama, cette personne qui prononce, il ignore tout de cette kalima. Robama, il la contredit. Robama, il déteste mu'minin. Robama, il se rapproche des kuffa. Min ayn sayastafid minha. On a cité ce kalam pour vous montrer l'importance de ces chouroutes. Hadi al kalima, le musulman, il doit lui donner du temps. Il doit lui donner de l'importance. Ses forces, il doit les mettre fi fahm hadi al kalima. Tout ce que vous avez lu ou entendu sur le jihad du prophète alayhi salatu salam, tous ces morts, toutes ces batailles, c'est par rapport à cette kalima, rien d'autre. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ils ont refusé. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Tout ce que tu vois là, fi le sira' bayna al-iman wal kufr, c'est par rapport à cette kalima, rien d'autre. Donc le mu'min, il doit donner de l'importance. Wa min huna, tu comprendras jahlu man taraka hadha al-ilm, et perd son temps dans autre chose. Ka al-firaq al-dhall. Ba'dhum, ils passent des heures fil masajid. Ka duhal jama'at al-tabligh, rubbama, ils voyagent des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres, et ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices, ils délaissent leur famille, gaspillent de l'argent, il a akhiré. Lakin min bi sabab jahlihim, aucun effort fait hadil kalima. Khurafat et des rêves et qassas et jahl. Le muslim, il donne de l'importance à hada. Qala Sheikh Sulaiman, rahmatullah alayhi, fi taysir l'aziz al-hamid. Wa ma'na la ilaha illallah, ay la ma'bouda bi haqqin illa ilahun wahid, wa huwa Allah wahdahu la sharika lah. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Vous avez remarqué que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre pourquoi il a envoyé Ar-Rusul. Pourquoi il a envoyé ce Rasul sur terre. Que ce soit Ibrahim alayhi salam, ou ceux qui étaient avant Ibrahim min al-Anbiya, ou après, comme Moussa alayhi salatu salam, ou Isa, ou notre prophète Muhammad alayhi salam, كلهم il les a envoyés subhanahu wa ta'ala pour une chose. Qala illa nuhi ilay. Et Allah, il le révèle à tous ses messagers. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ça te montre que le ma'na hadi al-kalima, c'est al-ibada. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pas l'explication de certains. Ils ont compris de cette kalima, la ilaha illallah, ay anna le créateur c'est Allah. La shak, anna le créateur c'est Allah. Lakin, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers pour hada abadan? Il va détailler. Qala, ma'a qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoola an i'abudullah wa ajdanibu ta'ud. Si tu rassembles ces deux versets, t'auras une ma'na azima. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers pour la ilaha illallah. Le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à chaque umma un messager, et dans ce verset, il explique la ilaha illallah. An i'abudullah wa ajdanibu ta'ud. C'est ça, ma'na la ilaha illallah. Adorer Allah, s'écarter du shirk. Qala fa sahha anna ma'na al-ilah huwa al-ma'bud. Wa lihada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li kuffar Quraysh. Ce kalam, il est jamil. Limada li anna al-allama Sheikh Sulaiman, rahmatullah alayhi, il te cite la preuve. Avec deux versets, tu comprends le ma'na. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. La ma'bouda haqqun illallah. Thumma, il te cite un mithal. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien comprendre hadhihi al-kalima. Qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, les kuffar Quraysh, qulu la ilaha illallah. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi da'wateh, bien sûr, il a commencé par tawhid. Et beaucoup de hadiths, ils démontrent annahu, il disait aux gens, qulu la ilaha illallah tuflih. Dites la ilaha illallah tuflihu, vous réussirez. Fi dunya ou fi l'akhira. Qalu, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Kama qala Allahu jalla wa ala fi l'Quran, aja'ala l'alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Qui est ce qui fait le lien entre ma'na la ilaha illallah et ce verset? Et vous allez voir que tu vas comprendre la ilaha illallah et tu vas comprendre pourquoi kuffar Quraysh ils l'ont pas dit. Et tu as compris pourquoi le munafiqun ils l'ont dit, alors que c'est des kafara. Tu auras l'explication ou la compréhension de la ilaha illallah, tu sauras pourquoi le kafir il l'a pas dit et tu comprendras pourquoi le munafiq il l'a dit et lui est d'aucune utilité. عندما فضل عيسى